Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On se retrouve pour une nouvelle émission, la 445e émission, cette fois-ci en différé, pas comme la semaine dernière où nous étions en direct depuis les studios de Radio Béton. Beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle émission, et puis surtout le retour enfin des annonces de concerts pour les semaines et les mois à venir. Putain, ça fait assez bizarre d'annoncer cette phrase en entame d'émission. Voilà, on se redonnera tout ça au milieu de l'aspect française. Comme je disais, pas mal de nouveautés pour ce soir, 13 groupes très exactement. Alors une spé française 100% nouveauté et quelques groupes internationaux par-ci par-là. On entame cette émission avec justement une nouveauté dans la première doublette. Alors tout d'abord nous avons Carcass, le groupe de Death qui sort son nouvel effort studio Torn Arteries, une sortie Nuclear Blast. On est vraiment dans la lignée de leur virage Melodeath. Et dans la foulée, Pestilential Shadows, j'ai cru que je m'étais foiré sur l'articulation, formation qui nous sort son nouvel effort studio, sixième album exactement, groupe de black metal qui nous vient d'Australie, actif depuis environ une vingtaine d'années, du black metal bien classique, classique mais bien foutu, c'est très efficace, et c'est surtout que ça nous vient d'Australie, c'est pas souvent qu'on a des groupes de black metal qui nous viennent de là-bas. L'album s'appelle Revenant, on va s'en écouter The Swords of Damocles, et juste avant ça, The Seeds Remorseless Swing, nouveau titre pour Carcass, et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. pour la doublette suivante, Sylvain l'affirme, il n'a pas du tout fait exprès de réunir ces deux groupes hispaniques et à tendance heavy dans la même doublette. Nous avons tout d'abord Magodeos. Magodeos, formation heavy, heavy power, qui pour le coup a une discographie bien bien bien inégale. Autant les premiers albums sont vraiment super cool, autant par la suite... Perso, j'ai pas grand chose à y retenir. Bandera Negra, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Pour le coup, il y a des trucs qui ressortent un peu plus que sur les dernières sorties studio. On va s'écouter le titre Al Abordage, ou j'imagine plutôt à l'espagnol, mais je prononce très mal l'espagnol. Je suis plus à l'aise avec l'islandais que l'espagnol. Un titre assez long, 8 minutes, c'est le morceau d'ouverture juste après l'intro. Même l'album en lui-même est très inégal, hein. Il y a 4-5 titres qui vraiment sortent du lot. Le reste, c'est plan-plan, pour pas dire chiant-chiant, mais bon, voilà, on s'est dit que ce serait quand même pas mal de proposer du Magodeos quand même dans cette nouvelle émission. Et ensuite, nous aurons le nouvel EP de Crizix, le groupe de Heavy Trash, qui sort The Pizza, une sortie sur label français Listenable Records. On s'écoutera le titre It Took to Cook a Thong, Magodeos, et juste après Crizix, c'est parti. las sirenas mueren en la mar. Si me abrazas, yo te daré mil y una noches enteras de amor. Si me salvas, caminaré junto a ti y veré en tierra. De tu cárcel yo te libraré, los barrotes son de agua y coral, el cerrojo tu miedo a fracasar, soy la llave de tu libertad. Me he hecho amigo de una ola del mar. Yo te daré mil y una noches enteras de amor. Si me salvas, caminaré junto a ti y veré en tierra and some rock. Oh, fuck! Avalanche of robots ripping something with the axle of days back face, rock and roll over and go. Piggies and shimmy, maki ura maki, pop to rock and throw ace, they call me kids and junkie. Gang of peanut butter nation, holy scamming bar sensation, sugar. Oh man, but you know what? It's love! It's love! It's not the cookie's on! But you can always bring your friends and it's fun! Bring them on, bring them on! It's fun! It's fun, the cookie's on! Don't put the sauce on this garbage dish! Hello everybody, we came to the end of today's Speed Metal Kitchen of Doom. Thank you very much for watching all the show. Today we prepared this delicious tarta de calamares. We burned it a bit, but it will be just fine. Just fine. Next week we are preparing space, marijuana, cookies, just free in next edition of Speed Metal Kitchen of Doom. Pour la troisième doublette de l'émission, nous allons retrouver une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Full of Hell, cinquième album studio pour les Américains. 12 titres pour une vingtaine de minutes. On est toujours sur un crossover entre grindcore, power violence et death metal, avec quelques touches un petit peu plus noisy. D'ailleurs, le titre de ce soir est particulièrement noise, avec un fond death bien crado. Full of Hell, ce nouvel effort studio s'intitule Gardens of Burning Apparition, une sortie Relapse Record. Il est déjà disponible. Et dans la foulée, une nouveauté, Lunar Spells, Where Silence Whispers, une sortie sur le très très bon label Northern Silence Production. Lunar Spells, c'est ce qu'on peut dire, c'est une toute jeune formation de raw black metal, ça nous vient de Grèce. Jeune formation puisque ça s'est formé en 2020. Un premier EP l'année dernière, et puis là, un premier effort studio un peu plus long, 6 titres pour une trentaine de minutes. C'est Rao sous toutes les coutures, hein. Musicalement, c'est vraiment de la haine et de la violence, avec un son bien cru et bien crado. Ça rappelle d'ailleurs la scène finlandaise, type Orna et Sargeist. Et par-dessus ça, il y a quelques petits claviers assez discrets, plutôt sous forme de nappe, et ça renforce du coup les atmosphères lugubres de cette formation black metal. Full of Hell enchaîné à Lunar Spells, Wreaking Tunnels enchaîné à Among the Ashes. C'est parti. Une pas doublette pour la suite, puisque nous allons écouter un titre long et lent de Skepticism, le groupe de Funeral Doom qui nous vient des Pays-Bas. Nouvel effort studio intitulé Companion. Et on va s'écouter le morceau de Inevitable. C'est parti. Thank you. continue dans les nouveautés avec, il est vrai, un peu moins de grosses locomotives dans l'émission, mais des sorties underground ultra qualitatives. Duel pour la suite, groupe de Doomstoner Rickin, actif depuis 2016. Ils sortent déjà là leur quatrième album studio, plutôt prolifique donc. C'est dynamique, c'est groovy, ça fuzz un petit peu. C'est un peu plus léger, par exemple, que certains groupes dans le style qu'on a pu vous diffuser. Cependant, ça n'est pas sans rappeler un certain Audrey Horne ou encore Spiritual Beggars. Voilà, Duel, nouvel effort studio qui s'intitule Incarné Persona. Et dans la foulée, Infiltrated Mankind, Zéro Tendresse, Zéro Délicatesse, premier album pour un groupe sibérien, voilà, formation russe, on est sur du brutal tech death, légèrement slamisant. Le groupe se revendique d'inspiration Decrepit Burst, Spawn of Possession et autres Arkspire. C'est assez classique et c'est très très bien foutu. La prod est excellente également. Voilà donc le nouvel effort studio s'intitule Inside the Eggville, une sortie sur le très très bon label Ungodly Rinse Production, label qu'on vous invite à suivre. Encore le titre pour Duel et Up on the Downside pour Infiltrated Mankind. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est toujours dans une émission en différé avec cependant du contenu toujours 100% inédit. On va attaquer tout de suite l'aspect française avec que de la diff hexagonale. Et juste avant ça, petites annonces de concerts pour les semaines et mois à venir. Catharsis reprend sérieusement du service, toujours des programmations pour 5 balles avec 2 ou 3 groupes très quali. Toujours au Canadian Café, nous avons tout d'abord le lundi 4 octobre, lundi prochain, donc une soirée avec Toekan et Lefandras, formation tourangelle et formation lyonnaise. Nous aurons ensuite le vendredi 29 octobre une soirée Trash Black avec des groupes brésiliens Outlaw et Power From Hell. Et de nouveau une soirée Trash Black le jeudi 11 novembre avec un ex-membre de Sarcophago qui vient nous faire un set spécial Sarcophago et Satan's Worship, donc une autre soirée trop maniaque Trash Black. Retour à la diff qui nous intéresse dans l'immédiat avec donc pour la semaine française tout d'abord Auriac, le groupe de Black plus qui nous sort son nouvel effort studio Pierre Brûlé, une sortie sur le label toujours Les Acteurs de l'Ombre. 20 sièges sans assaut, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et juste après ça, on en parlait la semaine dernière, très très très très bonne nouveauté, Vie Française, Tentation. Nouvelle et premier effort studio longue durée, Le Berceau des Dieux. Et on va s'écouter le titre Heavy Metal, parce que oui, on en a parlé pendant l'émission, c'est absolument improbable qu'en 2021, un groupe français s'aventure à sortir un titre comme ça chanté en français. En fait, le morceau est tellement bon que ça nous paraissait juste évident de le diffuser, même si en termes de concept, il est en décalage avec le reste de l'album. C'est parti, Auriac Tentation. Sur ton âge, tes murs débordés de courage. Je te salue, âpre cité du vent.